certitude. Seul, face à mes turpitudes, j'attends mon heure. Sans heure. Sur les murs de la vie, d'un printemps inachevé. Soin que les larmes s'avouent, d'être passé. Elle danse, elle rampe, réclamant leur vie. Tes cordes franchissent les portes, répandant leur haine en un ravissement. Elles aussi s'attirent, gémissant de pleine, projetant l'horreur au plus profond d'elles-mêmes. Et au sein de la tourmente, elles clament leur souffrance, noyant leur offense au pied de la potence. Dans l'enfer du décor, les hommes en noir foulent le couloir.